وأصاب به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها المسلمون منذ أن كرم الله هذه الأمة ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأفواج الدعاة المصلحين يتعاقبون فيها علماء مخلصون ومربون ربانيون ودعاة إلى الحق حاكمون بالقسط آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر وإن العناية بسير الرجال تورث الإحساس بعزة الإسلام وتنبت الشعور بالقوة وتهدي إلى التمسك بالحق وتقود إلى السمو في الخلق إخوة الإسلام إمام من الأئمة عليه أجمعت الأمة وذكره يزيد الإيمان والهمة نشأ في طيبة الطيبة وشرب من معينها فارتفع ذكره وملأ الأرض علمه جلس للتدريس في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قيل عالم المدينة أو إمام دار الهجرة لم ينصرف إلا إليه إنه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى وحديثنا عن العلماء ليس تعصبا لأحد منهم فكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله مالك أستاذي وإذا ذكر العلماء فمالك النجم ومالك حجة الله على خلقه بعد التابعين وقال عنه الإمام النووي رحمه الله أجمعت طوائف العلماء على إمامة مالك وجلالته وعظيم سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام البخاري رحمه الله أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah et son obéissance. Allah dit dans le Coran, « À Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. » Chers musulmans, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette communauté par la venue de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des groupes de prédicateurs se succèdent les uns aux autres. Rénovateurs, des savants sincères, des éducateurs éduqués, appelant à la vérité, jugeant les choses avec justice et équité, ordonnant le convenable et interdisant le blâmable. Et le fait de porter de l'attention aux biographies, plus précisément la biographie des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons et ceux qui sont venus après, cela nous fait ressentir la puissance de l'islam, nous donne de la force, nous guide vers l'attachement à la vérité comme il le faisait, et nous conduit vers une amélioration de notre comportement. Chers frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui d'un imam parmi les imams. Personne ne diverge sur le fait que c'est un grand imam. Le fait de mentionner son nom augmente la foi et la motivation religieuse. Il a grandi à Tayba, qui est un nom parmi les noms de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc été éduqué à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa science a inondé toute la terre. Il enseignait à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A tel point que, lorsqu'on dit le savant de Médine, Alimul Medina, ou bien Alimul Dal al-Hijra, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, on ne pense qu'à une seule personne, c'est l'imam Malik rahimahullah. L'imam al-Shafi'i rahimahullah dit au sujet de l'imam Malik: Malik est mon professeur. Lorsque l'on cite les savants, Malikoun, c'est l'étoile parmi les savants. Malikoun al-Najm. Et Malik est l'autorité d'Allah après les tabi'i. Et l'imam Nawawi, rahimahullah, nous dit: tous les groupes de savants sont unanimes sur l'imama de Malik et sa grandeur, sa prédominance, qu'il mérite d'être respecté, et le fait de revenir à lui dans la mémorisation des hadiths et le respect du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, nous dit également: la chaîne la plus authentique, la chaîne de transmission la plus authentique, c'est Malik, selon Nafir, selon Ibn Omar, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah. Wulida l'imam Malik ibn Anas rahimahullah fi madinati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sanata 93 l'hijra, wa qila sanata 90 fi khilafati Sulaiman ibn Abd al-Malik rahimahullah. Nasha'a muhibban lil'ilmi mughtarifan min, على الرغم من فقره وقلة حاله. أمه أم الإمام مالك رحمه الله أحسنت توجيه ابنها، أتت له وقالت له يوما: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، فتعلم من أدبه قبل علمه. هذه المرأة رحمها الله عرفت دورها في الحياة، عرفت دورها في الحياة ورسالتها في التربية وإعداد الجيل، وأن الأدب قرين العلم، ولا قيمة للعلم بلا أدب، والأدب يكون في ابتداء العلم وفي أثنائه وفي نهايته. فصنعت هذه المرأة رجلا صنع أمة، لأنه والإخوة الكرام ليست مهمة الأم تغذية الجسد والعمل على وقاية الأولاد من الأمراض فحسب، بل رسالتها أكبر وأجل وأعظم. رسالتها تقوية الإيمان للأطفال، رسالتها بناء الشخصية، رسالتها تنمية العقل، رسالتها الحفز للهمم نحو المعالي. ولن تبلغ الأم ذلك حتى تتغلب على كل الهموم الدنيوية أمام هم التربية الأكبر. هذه الأم قد صبغت حياة مالك حقيقة لا قولا وواقعا لا خيالا، فكان رحمه الله مدرسة في الأدب ينهل طلابه من هيئته وسمته، وتقتبس الأمة من سيرته. يقول الإمام مالك رحمه الله لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. فقال له نفس الكلمة التي قالت له أمه. وقال ابن وهب تلميذه رحمه الله: الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. الذي تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. وقد تعلموا كما تعلمون منه علما كثيرا. وقال يحيى ابن يحيى التميمي من رواة الموطأ: أقمت عند مالك بن أنس بعد كمال سماعي، يعني الموطأ، سنة أتعلم هيئته وشمائله، فإنها شمائل الصحابة والتابعين. شخص عبد الله، الإمام مالك رحمه الله est né à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année 93, d'autres ont dit l'année 90 de l'Égypte, pendant le califat de Suleyman ibn Abd al-Malik رحمه الله. Il a grandi aimant la science et en la puisant. Malgré sa pauvreté, sa mère, rahimahullah, l'a très bien éduqué et dirigé. Elle est venue un jour à lui, alors qu'il était enfant, et lui a dit: va vers Rabi'a, Rabi'a qui était un imam qui faisait des cours à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rabi'a al-Ray, va vers Rabi'a, apprends de son comportement avant sa science. Avant même de prendre la science de lui, prends de son comportement. Cette femme, cette mère exemplaire, la mère de l'imam Malik, connaissait son rôle dans la vie et son message dans l'éducation de toute une génération. Et que le comportement est lié à la science. Elle avait compris cela, cette mère et cette femme. La science n'a donc pas de valeur sans comportement. Cette femme a donc bâti un homme qui a bâti à lui tout seul toute une communauté. Car le rôle de la mère, chers frères et sœurs, n'est pas seulement de nourrir les enfants, de les protéger, contre le froid, de les protéger contre les maladies. Non, le message de la mère est plus grand que cela et plus important. Le rôle de la mère est de renforcer la foi des enfants, de construire leur personnalité, de développer leur intellect, les motiver. Mais la mère n'arrivera à cela qu'en demandant de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en prenant le dessus sur tous les soucis de ce bas monde devant le souci d'éducation des enfants. Cette phrase de sa mère allait changer la vie de l'imam Malik rahimahullah et il devint à lui tout seul une école du comportement. Ses élèves tiraient profit de son attitude et de ses faits et gestes. Malik un jour, rahimahullah, a dit à un enfant qui venait de Quraysh, apprends le comportement avant d'apprendre la science. Donc il disait aux gens, aux jeunes gens, ce que sa mère lui avait dit, rahimahullah. Ibn Wahb, un élève parmi les élèves de l'imam Malik, nous dit, ce que nous avons appris du comportement de l'imam Malik est supérieur à ce que nous avons appris de sa science. Et Yahya, Ibn Yahya al-Tamimi, donc parmi ceux qui ont rapporté Al-Muwatta, également un élève de l'imam Malik, nous dit, je suis resté auprès de Malik un an, après avoir entendu tout le Muwatta. Donc il a entendu tout le Muwatta, il aurait pu partir. Il avait pris ce qu'il voulait. Non, il est resté un an en plus pour apprendre de l'attitude de l'imam Malik et ses qualités. Il nous dit ensuite car il possédait les qualités des compagnons et des tabi'in. Ibadallah. Kana li tibati at-tayyibati atharun malmousu fi bina'i shakhsiyati al-imam Malik rahimahullah. Faqad kana ta'ujju bil ulama'i wat tabi'in. Tahdathuhu min al-jami'ati al-kubra wal madrasati al-ula masjid rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ala ras kull halqati min halaqat al-'ilm fi hadha al-masjid an-nabawi yajlisu 'alimun min al-ulama' wal ladhina في هذا الوقت يرومون تربية صالحة لأبنائه يرسلونه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا العصر الذي يريد تربية صالحة لأبنائه عليه أن يوفر لهم محاضن آمنة دينية صالحة خلقا لينشأ الفتى تقي السريرة سليم السريرة لأن البيئة الخبيثة السيئة تهدم ولا تبني. البيئة لها دور في تربية الأولاد وفي تنشئتهم. ماذا يبقى بعد أن يلقن الابن القيم الصالحة للإسلام ثم يأوي مساء إلى جلساء السوء يفسدون ما أصلحه الوالدان إما في الشارع أو في المدارس؟ الآب يتعب نفسه ويلقن أبنائه تعاليم الإسلام ثم يخرج إلى الشارع فيتعلم عكس ذلك فيذهب إلى المدرسة فيتعلم عكس ذلك ولهذا من أهم المهمات لا سيما في فرنسا أن يكون للمسلمين مدارسهم فعلى المسلمين أن يجتهدوا في هذه المشاريع المباركة وصلى الله تعالى أن يجعلنا الإخلاص في أعمالنا. شاسع رسالة الله. Donc la vie du prophète صلى الله عليه وسلم a eu un rôle évident dans la construction de la personnalité de l'imam Malik. Car Médine était pleine de savants à cette époque parmi les tabi'in et d'autres. La mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم était-elle une grande université, un institut d'études islamiques? À la tête de chaque assise se trouvait un savant. Car celui, à l'époque, qui désirait donc que ses enfants reçoivent une bonne éducation, il les envoyait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut tirer des leçons à cela. Car l'environnement dans lequel la personne vit et éduque ses enfants, il a un grand rôle dans l'éducation des enfants. Si la personne a beau éduquer ses enfants, leur apprendre les enseignements de l'islam, s'ils se retrouvent ensuite dans un environnement mauvais où on lui apprend le contraire, c'est comme s'il n'avait rien fait. Le mauvais environnement détruit et ne construit rien. Donc il faut absolument que les musulmans, surtout ici en France, fassent attention à l'éducation de leurs enfants. Il y a beaucoup d'enfants de musulmans qui passent toute leur journée dans les rues. Après l'école, c'est la rue. Tout le week-end, c'est la rue. Comment voulez-vous que vos enfants sortent pieux, vertueux, des exemples? Non, il faut leur donner un bon environnement afin qu'ils s'éduquent. Il faut également que les musulmans fassent tous leurs efforts pour posséder leurs propres écoles, leurs propres instituts d'enseignement, afin que les enfants entendent les mêmes choses à la maison qu'ils entendent dans les écoles. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikr hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، جلس الإمام مالك رحمه الله للفتيا ولم يجلس حتى شهد له 70 شيخا من أهل العلم أنه موضع لذلك. وفرق بين من يزكي نفسه ويصدرها ومن يصدره أهل العلم والفضل. يقول الإمام مالك رحمه الله: وليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، فإن رأوه أهلا لذلك جلس، وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. شهر مزلمون الإمام مالك رحمه الله s'est posé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux gens et répondre à leurs questions, ce qu'on appelle donc faire des fatwas. Et il ne s'est posé pour cela qu'après que 70 savants parmi ses professeurs aient attesté qu'il en était capable. Et il y a une grande différence entre celui qui s'impose aux gens pour leur enseigner et celui que d'autres savants ont recommandé. L'imam Malik rahimahullah nous dit à ce sujet: il n'est pas permis à toute personne désirant enseigner le hadith ou faire des fatwas de le faire, jusqu'à ce qu'il demande conseil aux gens de science. S'il le trouve capable, il peut alors le faire. Quant à moi, je ne me suis posé qu'après que 70 savants aient attesté que j'en étais capable. كذلك أيها الإخوة الكرام من الخطأ احتقار أعمال الآخرين ومن الجهل ظن بعضنا أن ما يقوم به من خير أفضل من غيره، أو يظن من أوتي شيئا من العلم أن من سواه ليس على شيء أو ليس بشيء، أو يظن من أنكر منكرا أو أمر بمعروف أنه أفضل من غيره. من صلي، من مثلا حج، يظن أنه أفضل من الذي يتصدق، الذي يتعلم القرآن يظن أنه أفضل من الذي يتلو. فهذه القدرات وهذه المواهب وهذه الإمكانات أرزاق من الله عز وجل وليست من البشر، وهذا هو الفهم العظيم الذي يرسمه الإمام مالك للأمة بكل فئاتها، أن خدمة الدين تنظيم الجميع في أي تخصص وميدان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كتب إلى الإمام مالك أحد عباد عصره يحضه ويحثه على الانفراد والعمل. يطلب من الإمام مالك أن ينفرد ويترك الناس للعباد. فكتب إليه مالك رحمه الله فقال له: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد، وآخر فتح له في العلم، وآخر فتح له في العلم. ثم قال: ونشر العلم من أفضل الأعمال، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجون أن يكون كلانا على خير وبر. Parmi les erreurs que nous commettons, chers serviteurs d'Allah, le fait de mépriser les œuvres des autres. Car par ignorance, certains pensent que ce qu'ils font comme bonnes œuvres est mieux que ce que font les autres. Celui qui possède de la science, il pense que les autres ne valent rien. Celui qui interdit le blâmable et ordonne le convenable pense qu'il est mieux que les autres. Toutes ses capacités à accomplir ses œuvres, ses facultés, ses possibilités ne sont que des choses données par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-arzaq. Et cela ne vient pas de l'homme. Et cela est ce que veut nous montrer l'imam Malik à nous et à toute la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la. Œuvrez, car chacun sera facilité dans la voie pour laquelle il a été créé. Un homme parmi les adorateurs, le Bad de l'époque de l'imam Malik lui a écrit une lettre en l'incitant à s'éloigner des gens pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner donc de l'enseignement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le jeûne et tout le reste. Et l'imam Malik a répondu à cette lettre par une autre lettre en lui disant: Allah a distribué les œuvres parmi ses serviteurs comme il a distribué les richesses. Combien d'hommes Allah leur a ouvert les portes de la prière, mais ne leur a pas ouvert les portes du jeûne. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes des dons, sadaqa, mais ne leur a pas ouvert les portes du jeûne. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes du jihad. D'autres, Allah leur a ouvert les portes de la science. Il dit ensuite: et le fait de diffuser la science fait partie des meilleures œuvres, et j'accepte les portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvertes, et je ne pense pas que mon œuvre soit inférieure à la tienne, et j'espère que nous sommes tous les deux sur un bien et une obéissance. Ikhwat al-Iman. كان مالك رحمه الله إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها. انصرف حتى أنظر فيها. كان الإمام مالك رحمه الله لا يجيب السائلين مباشرة، يطلب مهلة للإجابة. يقول للسائل انصرف حتى أنظر فيها. والحاج ركز معنا رجل الدخ. انصرف حتى أنظر فيها. فينصرف الرجل ويتردد الإمام مالك فيها. فقال تلامذته للإمام مالك: لماذا تتردد في الأسئلة؟ فبكى الإمام مالك. فبكى الإمام مالك رحمه الله وقال: إني أخاف أن يكون لي من السائل يوم وأي يوم، يعني يوم القيامة. وسأله أحدهم عن مسألتي وطلب مالك وقتا للنظر فيها. فقال السائل: يا إمام، هذه مسألة خفيفة، لماذا تحتاج إلى وقت للتأمل في هذه المسألة؟ فقال الإمام مالك رحمه الله رادا عليه: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال بعضهم: كان الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وسأله رجل من أهل المغرب عن مسألة كلفه بها أهل المغرب كلهم أن يسأل الإمام مالكا، فكان جواب الإمام مالك رحمه الله: لا أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا، وما سمعنا أحدا من الشيخ نتكلم فيها، ولكن تعود ارجع فيما بعد. وفي اليوم التالي عاد الرجل فقال له الإمام مالك: سألتني وما أدري ما هي. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، كانت كنيته الإمام مالك، تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال الإمام مالك رحمه الله: إذا رجعت إلى مكانك فأخبرهم أني لا أحسنها. فأخبرهم أني لا أحسنها. الإمام مالك رحمه الله lorsqu'il était interrogé sur un sujet, il disait à la personne qui lui avait demandé: laisse-moi un moment afin que je réfléchisse à ta question. Il ne répondait pas directement aux réponses, il demandait un moment pour répondre à la question. L'homme partait alors et Malik réfléchissait attentivement à la question. Des gens proches de l'imam Malik lui demandèrent pourquoi toute cette attention. Il pleura alors et leur dit: car je crains que je sois questionné un jour à cause de la question de cet homme. Et quel jour? C'est-à-dire Yawm al-Qiyam. Un homme un jour lui posa une question et Malik lui demanda beaucoup de temps pour pouvoir lui répondre. L'homme lui dit: oh imam, mais c'est pourtant un sujet facile. Mas'ala khafifa. L'imam Malik lui dit: il n'y a pas dans la science de choses faciles. N'as-tu pas entendu le verset où Allah dit: nous allons te révéler des paroles lourdes? Certains ont même dit, lorsqu'il était questionné, c'est comme s'il se retrouvait debout entre le paradis et l'enfer. Un homme venant du Maghreb un jour a voyagé jusqu'à Médine pour rencontrer l'imam Malik et le questionner sur un sujet dont tous les gens du Maghreb avaient besoin. Malik lui répondit: je ne sais pas, nous ne sommes pas éprouvés par ceci à Médine, et je n'ai jamais entendu un de mes professeurs parler de cela, mais reviens demain. Le lendemain, l'homme revint et Malik lui dit: tu m'as questionné et je ne sais pas. L'homme dit alors: oh, Abu Abdillah, qui était la cunia de l'imam Malik, j'ai laissé derrière moi, c'est-à-dire au Maghreb, des gens qui disent qu'il n'y a pas sur terre plus savant que toi. C'est pour ça que je suis venu. L'imam Malik lui dit alors, lorsque tu retourneras dans ton pays, dis-leur que je ne sais pas. كان الإمام مالك رحمه الله إماما في السنة كان يدعو الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحذر من محدثات الأمور والبدع في الدين. يقول ابن وهب تلميذه رحمه الله كنا عند مالك فقال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال معد بن عيسى تلميذه كذلك سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال ابن الماجشون تلميذه سمعت مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. الإمام مالك رحمه الله était un grand imam de la sunna. Il appelait les gens à s'attacher au Coran et à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et il mettait en garde contre les innovations, donc les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait. Parmi ses célèbres paroles à ce sujet, Ibn Wahb, rahimahullah, son élève nous dit que l'imam Malik, rahimahullah, a dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-elle l'arche de Noé, sa finat Nuh. Celui qui monte à bord sera sauvé et celui qui le manque se noiera. Et il dit également, rahimahullah, je ne suis qu'un homme, parfois je commets des erreurs et parfois j'ai raison. Prenez tous mes avis, observez tous mes avis. Tout ce qui est en concordance avec le Coran et la Sunna, prenez-le. Et tout ce qui contredit le Coran et la Sunna, laissez-le. Et il dit également, celui qui innove en islam, les gens qui font des innovations, c'est-à-dire qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui est autre que la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove en islam en pensant faire une bonne innovation, ce que certains appellent bid'a hasana. L'imam Malik rahimahullah nous répond, celui qui fait cela, qui innove en islam en pensant qu'il a fait une bonne innovation, c'est comme s'il prétendait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a triché dans la transmission de son message. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc ce qui n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi la religion, ça ne peut pas l'être à de nos jours. Et il parle de ces jours, lui, à son époque, rahimahullah, au deuxième siècle de l'islam. مرض الإمام مالك رحمه الله 22 يوما وبلغ من عمره حين وفاته 87 سنة وقيل 90. توفي سنة 79 و100. يقول ابن نافع رحمه الله تلميذه كذلك توفي مالك وهو ابن 87 سنة وأقام مفتيا بالمدينة بين أظهرهم 60 سنة. 60 سنة رحمه الله يدرس الناس ويفتيهم وينفعهم في دينهم. رحم الله الإمام مالك رحمه الله فقد كان يقول ويصينا بعدم الكلام في عيوب الآخرين. يقول أدركت ناسا بالمدينة لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا وأدركت ناسا بالمدينة كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. L'imam Malik rahimahullah est tombé malade 22 jours avant de mourir et au moment de sa mort il avait 87 ans, certains ont dit qu'il avait 90 ans. Il est décédé l'année 179 de l'Hégire et est resté à enseigner à Médine 60 ans. Pendant 60 années, il enseignait aux gens à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik également nous donne un conseil sur le fait de ne pas parler des défauts des gens. Car celui qui parle des défauts des gens, les gens parlent de ses propres défauts. Il nous dit, j'ai rencontré des gens à Médine ne possédant aucun défaut. Mais malheureusement, ils ont parlé des défauts des autres. Et les gens leur ont alors inventé des défauts. Et j'ai rencontré des gens à Médine possédant des défauts, mais ils n'ont pas parlé des défauts des autres. Les autres n'ont également pas parlé de leurs défauts. Sallallahu alayhi wa sallam. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى